vie est trop courte pour stresser dès le matin et se prendre la tête pour un rien. Oh, la vie est trop courte pour passer tout son temps à se dire que c'était mieux avant. Oh, la vie est trop courte pour pleurer sur ce qu'on n'a pas avant même d'apprécier tout ce qu'on a déjà. Bien sûr, mais la vie est trop courte alors on court très vite. La vie est trop courte alors on court. La vie est trop courte alors on court très vite. La vie est trop courte alors on court. La vie est belle et que chaque jour est une fête. Et que la vie est trop courte. Oh, la vie est trop courte. À partager, mais ouais, la vie est trop courte pour s'encombrer de regrets et ne pas être fier de qui l'on est. Oh, la vie est trop courte pour ne pas zapper nos problèmes, au moins le temps de dire aux gens qu'on les aime. Oh, bien sûr, mais la vie est trop courte alors on court très vite. La vie est trop courte alors on court. La vie est trop courte alors on court très vite. La vie est trop courte alors on court. Je sais pas vous des fois, mais moi ça me fout les jetons. J'aurais même envie de pousser un vieux coup de gueule. Oh. Et après j'arrête. Parce que la vie est trop courte pour gueuler tout le temps. C'est mauvais pour le cœur et ça fait peur aux enfants. Oh, la vie est trop courte pour oublier qu'un sourire, c'est bon pour le moral et ça fait toujours plaisir. La vie est trop courte pour vous chanter la suite. Il y a tant de choses à faire, il faut qu'on en profite. Oh, il y a tant de choses à faire. La vie est trop courte alors on en profite. La vie est trop courte alors on en profite. La vie est trop courte.